L'amour. La limousine roule tout doucement dans le quartier des spectacles. Ma capsule est intemporelle, coupée du monde. Les fenêtres sont insonorisées, teintées, blindées. L'éclairage est tamisé. Un petit jazz feutre l'atmosphère. Je me détends. Scotch dans une main. Tablette holographique sur la cuisse. L'Anchea est assise sur le banc d'en face, emmitouflée dans un vison blanc comme neige qui lui descend jusqu'aux chevilles. Elle scrute les passants à l'extérieur, le centre-ville électrique qui défile au gré du trafic. Je reconnais le regard à demi-absent de ma reine de glace, cette espèce de lassitude prédatrice qui habite son regard, telle une araignée qui fixe patiemment sa toile. Je soupire de satisfaction. Il y a quelque chose d'irréel dans cette paix, dans mon triomphe absolu. Dehors, les jeunes gens courent les boutiques, sirotent des smoothies à l'avocat, du thé aux perles. Ils sourient gaiement, déambulent dans leur splendeur, se font des accolades. Ils rigolent, sac à la main. D'autres font déjà la ligne devant les clubs, jupe courte sur des cuisses bronzées. Tout en belles intentions, bijoux et chevelures étincelantes. Tout à coup, file un détachement d'hélicoptères dans le firmament orangé. Phare allumé, canon chargé à bloc, tout droit vers l'ouest. Les engins déchirent le ciel d'une froideur militaire et disparaissent au-delà des gratte-ciels. Les passants n'ont jamais remarqué. Sur ma tablette holographique se succèdent les fils médiatiques de la HopeSec. Soulèvement dans les ghettos suite à l'événement K, émeute enragée, attaque armée de cellules autonomes, pluie de Molotov. Une insurrection vouée à l'échec. Des drapeaux noirs qui croulent devant les lignes de boucliers. Mes soldats qui avancent par milliers dans la fumée et la suie. Par-delà les caniveaux qui ruissellent de sang. Dehors, une jeune dame avance d'un bon pas sur le trottoir. Talons hauts, pantalons serrés, chandail ample retombant lâchement sur les épaules. Elle plaisante au téléphone, sourire béat au visage, vient d'entendre quelque chose d'hilarant. Les boucles de ses cheveux soyeux rebondissent. Elle se penche vers l'avant tellement elle rit, mais continue à marcher. Elle a un but, quelque part où aller. Je peux pas m'empêcher de porter attention lorsqu'elle s'arrête net. L'Anchea aussi l'a remarqué. Nous la dévisageons tous deux depuis la limousine. C'est qu'une autre jeune femme vient de croiser sa route et se couvre la bouche en signe de surprise. Aussitôt, les deux amies accourent l'une vers l'autre, laissent tomber leur sac, se prennent dans leurs bras, sautillent de joie. Un coup du hasard. Elles sont si heureuses de se retrouver. Quel merveilleux moment! Quelle excellente soirée! Pendant ce temps, ma tablette me renvoie l'image d'un soldat en armure, inerte et sanglant, traîné par les pieds par un autre soldat. Lorsqu'une explosion de flammes détonne soudainement, le soldat abandonne la dépouille et tourne les talons maladroitement comme un enfant désorienté. Le spectacle m'irrite. Je passe à une autre application. L'hologramme bifurque à quelques prototypes récents. Des exosquelettes pour ma garde d'élite. Quelques soumissions pour les camps de travail. Les micropuces sous-cutanées produites en masse, prêtes à être déployées immédiatement. Pendant que je scrute attentivement les grandes lignes de l'avenir, je peux sentir le regard de l'Anchea se poser subrepticement sur moi. Son léger sourire, en coin, d'une infinie subtilité. la fierté, peut-être même l'amour.